sur des routes de faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes, j'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut. Je vivais